présenter mes choristes. Ils arrivent. On va faire la version. Yeah! Bon, on va chanter. On va chanter? Come to me and everything seems right. And this day I've called affection to sit by me and everything fine. Attends, j'ai pas trouvé la basse. Already? This day of cool reflection, you come to me and everything seems alright. And this day of cold affection, you sit by me and bon, j'enlève la basse. I mute the bass track. Are you ready to play the bass, Sharon? Mesdames et messieurs, à la basse, Sharon. Que tu jouais, j'avais pas compris, qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'as un Mac, c'est normal, c'est compliqué, mais ça marche très bien les Mac après, ça bug plus. La carte son ne marche plus sur le Mac. Parce qu'il faut une carte son compatible Mac, je crois. Non, je ne peux pas jouer. Ou alors mangé une grosse courgette. On a une choriste. Sharon va chanter les chœurs. Moi je ne vais pas acheter un iMac. Are you ready? Bon, j'y vais. Vous pouvez régler vos problèmes d'ordinateur sur le chat. In this day of cool affection, you come to me. Every single ride, this day of cold affection, you sit by me and everything fine. Putain, j'ai pris un Larsen dans l'oreille. Tu m'as niqué les oreilles avec ton harcèlement. 1, 2, 1, 4, 6, 7. Des vagues, il y a du vent, il y a du vent. Qui c'est qui fait? Il y a de la neige. Sharon, t'es toujours dans la montagne, on entend la neige qui tombe. C'est fait du bruit là. C'est chiant. C'est légèrement chiant. Celui qui fait du bruit, qui fait. T'enlèves X-Bit. Si t'entends le bruit, tu le mettras quand il n'y a plus de bruit. Allô? Bob. Hey Mr. Bob. Could you? Yes, thank you. There's a problem with your connection. You must verify. Enfin merde, tu m'as compris quoi. Tu fais du buzz. Tu fais du buzz. Pourquoi tu fais du buzz? Bob Marley? Are you Bob Marley? J'aimerais un solo de. Il y a un solo, on attend le solo là. Bon, allez, on y retourne. Allez, on recommence. Bonsoir Titi. Bonsoir Titi. Come to me and everything seems alright. In this day of cold affection, you sit by me and everything is fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fair. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. Come on. We should be known to doctor and soul. Love, love, love, this could be heaven. You know what? It could be heaven for everyone. and gentlemen, and now, guitar player Mr. T.T. And now, je voudrais vous présenter D. Weil à la guitare, la version piano. On va faire une version piano. Je sais pas pourquoi ça coupe. We'll be right back. problème de corde. J'ai mis une corde. Non, but I can't. Bilos sort du corps de Bob. Brancher la guitare. Et ça va être les castors. Les accords. Il y a un fumeur de ganja qui est arrivé. Oh, sort la chicha. On va essayer Kim Wilde. Thank you. pas connecté via mon truc, donc du coup ça doit faire un son horrible. I'm so sorry. Et si je tapais sur mon... Pas mal. C'est qui fait le solo là? What's up? We'll be right back. c'est pas Étienne Dao. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Alors, il n'y a pas de basse ? Il n'y a pas un bassiste ? Pas de bassiste ? Il n'y a pas de bassiste. Y'a pas de bassiste. J'arrive pas. Essayez de trouver la mélodie. Merde, j'arrive pas. Gentlemen, on a un batteur. Un peu évident. Ah, j'entends plus ma guitare. Thank you. c'est éteint. Ça sent d'un côté et de l'autre. La basse. Thank you. Vas-y, fais la basse. Fais la basse.